France Inter. Par Force Ouvrière et la CFTC. Enfin, à l'heure où Cannes s'apprête à dérouler son tapis rouge au cinéma, la déclaration de 500 cinéastes aujourd'hui, dont Albert Dupontel, Olivier Nakache ou encore Éric Toledano, les frères Dardenne, tous dénoncent l'ingérence de l'industrie du cinéma sur leur travail artistique. Selon eux, la diversité et la vitalité du cinéma est de plus en plus affaiblie au nom de la rentabilité. Ils parlent de scénarios modifiés, de castings imposés, de films modifiés au montage par les diffuseurs ou encore des choix de musique prescrits. Les cinéastes, principalement francophones, réunis par la Société des réalisateurs de films, qui est la gardienne du cinéma d'auteur, n'hésitent pas à parler aujourd'hui de censure qui altère le processus de création. France Inter, 15h03. France Inter présente le podcast original Simone de Beauvoir, itinéraire d'une jeune fille rangée. Philippe Collin. Comment Simone de Beauvoir s'est-elle affranchie d'un avenir tout tracé? Je vous propose de découvrir comment Beauvoir est devenue Beauvoir. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Simone de Beauvoir, itinéraire d'une jeune fille rangée. Un récit en 8 épisodes, disponible sur l'application Radio France et franceinter.fr. Bonjour, c'est Sonia De Villers. Vous qui m'écoutez, vous savez combien d'images vous allez voir aujourd'hui? Des centaines, des milliers. Qui fabrique ces images? Qui les relaie? Photos, vidéos, pubs, propagande, intelligence artificielle? Arte lance 11 minutes quotidiennes pour analyser les images qui font et défont l'actualité. Le dessous des images, c'est sur Arte, à 19h30, la plateforme arte.tv et YouTube. France Inter, partenaire de l'exposition Urgence climatique, actuellement à la Cité des sciences et de l'industrie. Montée des eaux, méga-feux, cyclones, canicules, la décarbonation de nos modes de vie n'est plus une option face à l'urgence climatique. Venez comprendre et découvrir les moyens d'action encore à notre portée dans la nouvelle exposition de la Cité des sciences et de l'industrie. L'exposition Urgence climatique, un événement France Inter. Ah ouais, cette affaire sensible sur France Inter, c'est Fabrice Drouel. Bonjour Fabrice. Et oui, ça vous amuse? Ah bah ça m'amuse. Non, non, bon. Non, c'est hyper sérieux. D'accord, alors on se retrouve à 16h pour un prochain flash. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, un scandale italien, une saga judiciaire de plus de 10 ans et des révélations souvent de très mauvais goût. Dans le rôle des protagonistes, un ancien président du Conseil, Silvio Berlusconi, et une mineure. Dans les seconds rôles, une flopée de jeunes femmes légèrement vêtues. C'est l'affaire dite du Rubygate, du nom de Ruby, une prostituée marocaine mineure de 17 ans avec qui Berlusconi aurait eu des relations sexuelles tarifées. L'affaire aurait pu ne jamais s'ébruiter. Mais la jeune fille raconte à qui veut l'entendre qu'elle est allée plusieurs fois à des parties fines dans la villa du chef du gouvernement, à Arcore, près de Milan. Entre alors en scène la justice milanaise qui mène les investigations et qui finit par révéler au monde entier l'existence des fameuses soirées Bunga Bunga. Au bout du compte, 3 procès sans aucune condamnation de Berlusconi. Mais c'est peut-être l'affaire qui écornera le plus son image. Et pourtant, c'est un habitué. Sa vie d'entrepreneur et de politique, c'est une litanie de poursuites judiciaires. Dans sa carrière, Berlusconi a fait face à plus de 30 procès. Notre invité aujourd'hui, Éric Joseph, journaliste, correspondant à Rome pour le journal Libération, auteur du livre intitulé « Main basse sur l'Italie, la résistible ascension de Silvio Berlusconi » chez Grasset. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Héloïse Rambert, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mai 2010, le téléphone portable du chef de cabinet de la préfecture de police de Milan, Pietro Ostuni, sonne. Il regarde sa montre, 23 heures passées. Il décroche. À l'autre bout du fil, un autre chef de cabinet, celui de Silvio Berlusconi, alors président du Conseil italien. Je sais qu'il y a ici une jeune fille qui a été arrêtée. C'est une personne que nous connaissons et nous voulions savoir ce qui se passe. Puis il se fait plus explicite. Le président la connaît d'ailleurs, Attendez, je vous le passe. Ostouni est interloqué. Des dignitaires qui appellent les préfectures de police, cela arrive souvent, pour toutes sortes de raisons. Mais le chef du gouvernement en personne, ça c'est moins banal. Berlusconi reprend le combiné et le cours des explications. Il se trouve qu'il a été informé de l'arrestation d'une jeune fille à Milan. Or, cette jeune fille, ce n'est pas n'importe qui. L'annonce de sa prétendue identité trouble Pietro Ostouni. Et il raconte, en avril 2012, lors d'une déposition. Le fait qu'elle m'ait été présentée comme la nièce de Moubarak, dans un premier temps, ça m'a un peu, disons, d'une certaine manière, ça m'a pas inquiété. Mais j'ai pensé qu'il pouvait se passer quelque chose. La nièce d'Hosni Moubarak, le président égyptien, serait donc en garde à vue. Berlusconi invite Ostouni, afin d'éviter tout incident diplomatique, à la confier à l'une de ses conseillères ministérielles, qui d'ailleurs est déjà en route et devrait arriver d'un moment à l'autre. La jeune fille en question, c'est Karima El Marron, 17 ans, 17 ans et quelques. Elle se fait appeler Ruby. L'après-midi du même jour, donc quelques heures avant cette scène, Ruby décide d'aller chez une manucure dans un salon du centre de Milan. Là, elle tombe nez à nez avec Katia, son ancienne colocataire et amie. Mais Katia voit rouge. Ruby lui a volé 3000 euros et des bijoux. Alors elle compose immédiatement le numéro de la police, qui arrive sur place en quelques minutes. Les agents demandent ses papiers à Ruby, elle ne les a pas. Oh, elle tente bien de proposer des faveurs sexuelles à l'agent qui l'arrête, histoire de se tirer de ce mauvais pas, mais il refuse. Donc, direction le commissariat. L'agent appelle alors Anna Maria Fiorillo, la magistrate du tribunal des mineurs de garde ce soir-là. Elle effectue quelques vérifications et identifie Ruby. C'est une Marocaine qui a fugué d'un centre d'accueil pour mineurs. Immédiatement, elle a comme une intuition. Et elle l'explique le 4 mars 2013, lors de la tenue du premier procès dit du Rubygate. Je lui ai dit, mais alors comment fait cette fille pour vivre, pour payer un loyer aussi cher, vu que cet argent c'était pour le loyer? Il a demandé en direct à la jeune fille, elle était à côté de lui. L'agent Cafaro m'a répondu, elle dit qu'elle fait la danse du ventre à San Siro. J'ai tout de suite senti que cette jeune fille était, disons, une fille qui, de toute évidence, se livrait à la prostitution. Je l'ai tout de suite suspectée. La magistrate rappelle ensuite que Ruby doit être confiée à un centre d'accueil pour la nuit. Mais c'est sans compter sur toute une série de coups de fil qui vont être passés en parallèle. Après avoir dénoncé Ruby, son ex-colocataire prévient une autre de leurs amies qui s'inquiète de son initiative. « Tu n'aurais pas dû faire ça, cette gamine va nous mettre dans le pétrin. » L'ami ouvre alors son répertoire téléphonique, sélectionne Berlusconi Papi et appelle sur le numéro personnel du président du conseil. Silvio Berlusconi a beau être à Paris en voyage officiel, il répond. Et elle lui explique que Ruby s'est fait choper. Le chef du gouvernement italien demande alors qu'on relâche la jeune fille. À partir de ce moment, les communications s'enchaînent à un rythme frénétique. Le cabinet de Berlusconi rappelle plusieurs fois. Anna Maria Fiorillo et la jeune fonctionnaire de police présente ce soir-là échangent aussi à de multiples reprises. La policière comprend très vite que Karima, marocaine, n'a aucun lien de parenté avec le président égyptien. Mais en accord avec ses supérieurs et contre l'avis de la magistrature, elle laisse partir Ruby avec une certaine Nicole Minetti, la soi-disant conseillère ministérielle. Une fonction qui n'existe pas. Minetti est en fait une conseillère régionale que Berlusconi s'est arrangé pour faire élire sous les couleurs de son parti. Confronté à l'énormité de son mensonge sur l'identité de Ruby, le Cavaliere se justifiera toujours comme il le fait ici en 2012. Un malentendu, voilà tout. Madame Minetti, que j'avais invitée moi-même à se rendre sur place pour identifier cette fille, vu qu'elle la connaissait, avait cru bon, à la demande de cette fille, de se l'avoir confiée et en avait conclu l'affaire. Si je n'avais pas donné ce coup de téléphone, j'aurais manqué à mon devoir. Ce n'est pas vous, monsieur le président, qui avez demandé qu'elle lui soit confiée? J'ai dit à madame Minetti, va voir ce qu'il faut faire. Quand j'ai dit à madame Minetti d'aller voir, Je pensais qu'il était possible que cette fille fût la personne dont j'avais parlé avec le président Moubarak. Ensuite, après m'être rendu compte que cette fille s'était inventée une histoire de toutes pièces, j'ai interrompu tout rapport avec elle. Dans un premier temps, des événements de cette longue soirée milanaise, rien ne filtre. Mais Ruby remonte. Quelques jours à peine après sa sortie de garde à vue, elle se bat avec une autre fille. Donc, retour au commissariat, puis en centre d'accueil pour mineurs. Et c'est là que la saga commence vraiment. Parce qu'elle raconte sa vie aux assistantes sociales, qui n'en croient pas leurs oreilles. Ses connaissances haut placées dans le monde du showbiz, ses participations aux fêtes de Berlusconi dans sa villa d'Arcore. À ce moment-là, le parquet de Milan commence à s'intéresser à son cas. Entre juillet et août 2010, Pietro Forno, procureur adjoint, rencontre Ruby à plusieurs reprises. À lui aussi, elle raconte des histoires improbables. Qu'elle est allée à Arcore chez Berlusconi, qui lui a donné beaucoup d'argent, des cadeaux. Là-bas, elle a recroisé George Clooney, Cristiano Ronaldo. Forno ne sait pas trop quoi en penser. Est-ce qu'il a affaire à une affabulatrice ou à une manipulatrice qui voudrait faire chanter le président du conseil? Le magistrat écoute. Il enquête aussi. Pièce par pièce, il reconstitue l'histoire de Ruby. Celle de Karima, une gamine née en 1992 au Maroc, émigrée en Sicile avec sa famille à l'âge de 9 ans et qui vit une adolescence difficile. À 13 ans, Karima s'enfuit de chez elle et n'y reviendra jamais vraiment. Toujours entre deux placements et deux fugues. En septembre 2009, en Sicile, elle participe à Une fille pour le cinéma. Un concours de beauté censé servir de tremplin des jeunes femmes pour le monde de la mode et du divertissement. Le président du jury est Emilio Fede, un proche de Silvio Berlusconi. Il présente le journal télévisé sur l'une de ses chaînes de télé. Et il promet de l'aider. Cette rencontre va changer la vie de Karima. Le 28 décembre 2009, elle débarque à la gare de Milan, attirée par les lumières de la capitale lombarde. C'est à ce moment-là qu'elle ouvre une page Facebook sous le nom de Ruby Ubacuori. Autrement dit, Ruby, voleuse de cœur. Et elle commence à fréquenter le monde de la nuit. Elle est tour à tour serveuse, hôtesse, danseuse du ventre. Très probablement aussi prostituée. Tous ces billets de 500 euros avec ses petits boulots, ça ne tient pas. Katia, la fameuse colocataire par qui tout a commencé, confirme effectivement que Ruby a toujours voulu mener grand train. Elle ne fréquentait que des hommes. Elle ne regardait pas le prix des choses, si c'était cher ou pas. Si quelque chose lui plaisait, elle le prenait. Elle dépensait beaucoup. En une journée, elle pouvait dépenser tout son argent. Évidemment qu'elle se prostituait, bien sûr. Elle l'a dit elle-même. Ruby raconte alors au procureur adjoint être allé à Arcore chez Berlusconi pour la première fois le 24 février 2010, le jour de la Saint-Valentin, avec une vingtaine d'autres filles. Et que, la soirée avançant, le maître de maison a invité ses hôtes à descendre au Bunga Bunga. C'est comme ça qu'il appelle le sous-sol de la villa, aménagé en discothèque avec estrade et bar de pool dance. Elle y retourne 7 fois. Et à chaque fois, c'est la même chose. Les filles dansent et se déshabillent pendant que Berlusconi et certains de ses proches comme Emilio Fede se rincent l'œil et les touchent. Pietro Forno s'entoure alors de 2 autres magistrats pour entamer une enquête sur ce qui sera bientôt connu mondialement comme les soirées Bunga Bunga. Durant l'été 2010, le pool d'enquêteurs place sur écoute le téléphone de quelques protagonistes de ces soirées, Berlusconi exclu. Ce qu'ils entendent leur permet d'en comprendre le déroulé, bien rodé. D'abord le dîner au rez-de-chaussée, et la danse, et puis la fête au sous-sol. Toutes les filles présentes reçoivent de l'argent, mais seule une poignée gagne de gros lots, une nuit avec le propriétaire des lieux et la rétribution qui va avec. Berlusconi a l'embarras du choix. Des filles, il y en a toutes sortes, de tous horizons. Nicole Minetti, la fameuse conseillère ministérielle qui est venue chercher Ruby au commissariat, est bien l'organisatrice et la petite reine des soirées d'Arcore. Elle fait une description éloquente des convives dans une des conversations interceptées. le 19 septembre 2010, elle appelle l'une de ses amies pour l'inviter aux réjouissances. Je viens de parler avec le boss des boss. Je lui ai dit, ce soir je t'amène une de mes amies. Et il m'a répondu, excellent. Je voulais te briefer rapidement à ce sujet. C'est-à-dire que c'est la confusion la plus totale. Tu comprendras, il y a des gens, c'est l'occasion de leur vie, donc tu en verras toutes les couleurs. Il y a différentes sortes de personnes. Il y a la putain, il y a la sud-américaine qui ne parle pas un mot d'italien et qui sort tout droit de la favela. Il y en a d'un peu plus sérieuses et il y en a qui sont entre les deux. Et puis il y a moi qui fais ce que je fais, t'as compris? C'est pour ça, ne te fonds pas dans la masse, ne sois pas timide. C'est que la compétition est rude dans le harlem du sultan. Des dizaines de filles jouent les coudes pour un petit rôle à la télé, une place sur les listes électorales ou de l'argent. Au téléphone, elle parle de sexe, mais surtout d'argent. « J'espère revenir de la fête les poches pleines », dit l'une. « Oh, il ne s'améliore pas avec l'âge », déplore une autre. « Il devient radin ». La jalousie fait rage. Une telle a eu une maison plus grande, une autre s'est fait payer une plus belle voiture. Les anciennes des soirées Bunga Bunga, réunies autour d'une Nicole Minetti, haïssent les nouvelles, comme Ruby, qui essaie de les évincer. Bon, tout cela reste secret, jusqu'au 26 octobre 2010, jour où le journal italien Fatto Quotidiano publie un article intitulé « Berlusconi et moi, une fille accuse ». L'article révèle qu'une jeune Marocaine mineure affirme avoir participé à des parties fines chez le chef du gouvernement et qu'une enquête du parquet de Milan impliquant Silvio Berlusconi est en cours. L'information est immédiatement reprise par les autres journaux du pays. Ce même jour, un appel de Ruby à l'une de ses amies est enregistré. Sa réaction vient confirmer les hypothèses des enquêteurs. Et ses mots, surtout, en disent long sur la fébrilité du président du conseil et de son entourage. C'est le bordel. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans tous les journaux. Regarde, sur Internet. Une mineure avec Berlusconi. Lui, il m'a dit, essaie de passer pour une folle, sauve-moi. Il est venu chez moi. Aujourd'hui, il m'a appelé personnellement. Sa secrétaire m'a appelé deux fois. Mon avocat m'a appelé. Toi aussi, tu m'as appelé pendant que je dormais. Puis, mon avocat est venu. Il a fait la route depuis Milan. Il vient de partir. Il a parlé avec moi, il m'a dit, Ruby, nous devons trouver une solution. C'est une affaire qui dépasse celle d'Adario et de Laetitia parce que tu étais vraiment mineure. On est tous très inquiets. Berlusconi m'a appelé pour me dire, je te donne autant d'argent que tu veux. L'important est que tu passes pour folle. Une fille qui raconte n'importe quoi, mais tu ne dois pas dire la vérité. La chose que je voulais te demander, c'est... Excuse-moi, mais tu n'es pas choquée? Tu n'as pas peur? Non, non, je n'ai peur de rien. Je vais avoir beaucoup d'argent, je vais être célèbre. De quoi je pourrais bien avoir peur? Le 21 décembre 2010, le nom de Silvio Berlusconi est ajouté à la liste des personnes mises en examen. Pour prostitution de mineurs et pour concussion. C'est-à-dire... pour avoir abusé de son pouvoir en faisant pression sur les fonctionnaires de police pour faire libérer Ruby en cette fameuse nuit du 27 mai 2010. Le 14 janvier 2011, sa mise en examen est rendue publique. Les magistrats de Milan lui envoient une invitation à comparaître, assurant avoir déjà des preuves contre lui. De quoi enclencher une procédure de jugement accélérée. Certains de ses proches, comme Nicole Minetti ou Emilio Fede, sont également mis en examen pour avoir fourni des filles. Le scandale du Rubygate secoue le pays. Et pourtant, les Italiens en ont vu d'autres avec le Cavaliere. Berlusconi et les mineurs, rien de nouveau. Un an auparavant déjà, sa relation avec la trop jeune Noémie Letizia avait fait les joueurs de la presse. Sa passion pour les adolescentes lui avait coûté son mariage, mais pas vraiment sa popularité. Parce qu'une partie du pays est indulgente, voire divertie par un Silvio Berlusconi qui a toujours joué, tantôt avec ironie, souvent avec vulgarité, la carte de l'homme à femme. Une fois encore, ses fans le défendent contre ce qu'ils estiment être un bien mauvais procès. Mais une autre Italie, à défaut d'être étonnée, est consternée. L'Église elle-même exprime une certaine lassitude face à cette nouvelle affaire. Berlusconi lui alterne entre agacement et désinvolture. Le 26 février 2011, à l'issue d'un discours au congrès chrétien réformiste, au cours duquel il vante les vertus du mariage et de la famille traditionnelle, il invite le public, acquis à sa cause et hilar, à un joyeux bunga bunga. Il ignore encore que la Ruby Gate sera l'affaire qui causera le plus de tort à son image et surtout à son pays qui mérite tellement mieux. Et surtout qu'il est parti pour un marathon judiciaire de 10 ans. Je suis sûr qu'ils ne peuvent pas faire parce que sinon il y aura une révolution en Italie. Et je n'ai peur de rien. Tu me fai girar, tu me fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi guai. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu, sai far male da piangere. No. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Aujourd'hui, Berlusconi et l'affaire Ruby. France Inter. Et continuent à dire Berlusconi à casa, creandomi un certo disagio. Perché disponendo di 20 case, non saprei in quale andare. Affaire sensible. Le 6 avril 2011, le procès Ruby s'ouvre à Milan. En l'absence de Silvio Berlusconi, que rien n'oblige à se rendre au palais de justice. Sa ligne de défense ne varie pas. Il nie tout en bloc. Et comme à son habitude, accuse les juges, forcément politisés, de le harceler et les journalistes de verser dans le sensationnel. Concernant la teneur des soirées Bunga Bunga, Berlusconi est formel. Elles étaient tout à fait convenables. Comme il assène une nouvelle fois devant les caméras, dans les couloirs du tribunal après plusieurs mois de procès. Cene, ripeto, assolutamente eleganti. Des dîners, je répète, très élégants, dans la plus parfaite des corrections. Chez moi, dans une pièce, une salle à manger, où il y avait 6 serveurs, dont 4 toujours différents, envoyés par des agences avec l'animation musicale, avec mes gardes du corps qui entraient et sortaient, mes enfants qui venaient me saluer. Après le dîner, quelquefois, on descendait à l'étage en dessous, où il y avait un théâtre, où se trouve la vieille discothèque de mes enfants, où régnait une atmosphère de sympathie, de bonne humeur, de divertissement. Par exemple, le fait que, comme l'ont déclaré certaines personnes, à savoir qu'elles se déguisaient en agents de police. C'est vrai, nous faisions des concours de... Comment appelle-t-on ça aujourd'hui ? De burlesque. Des concours burlesques et elles s'entraînaient pour cela. Les filles et les femmes sont par nature exhibitionnistes. Et puis, si ce sont des femmes de spectacle, elles aiment monter des petits spectacles pour se les montrer. Elles faisaient des compétitions de burlesque. Moi, je regardais et j'étais très intéressé. Je m'amusais beaucoup et je continuerai à le faire. Des dîners élégants, la formule est culte. Mais tout de même, Berlusconi réduit à faire appel à des prostituées. Je n'ai jamais eu besoin d'une femme pour avoir des rapports sexuels. Je n'ai jamais eu besoin de payer une femme, déclare-t-il le 19 octobre 2012, durant une audience, probablement vexé qu'on puisse douter de son charme irrésistible. Mais il admet qu'il aide financièrement beaucoup de femmes impliquées dans l'affaire, en leur versant 2500 euros par mois. Une façon, dit-il, de réparer les préjudices d'image qu'elles subissent à cause de l'affaire. L'élégance des soirées hardcore est confirmée par l'écrasante majorité des dizaines de femmes appelées à témoigner. Elles aussi nient un quelconque caractère sexuel, même si les écoutes téléphoniques dont elles ont fait l'objet disent totalement le contraire, même si elles sont contredites par une poignée de filles qui, elles, parlent de striptease et d'attouchement. Et Johanna Visa est de celles qui défendent le cavalier avec bec et ongles. Silvio Berlusconi est un homme honnête, généreux, qui mérite bien de relâcher un peu la pression que ses responsabilités lui imposent. Vous faites les questions et les réponses. Nous en sommes toujours là. J'ai expliqué, mais je dois montrer. Pour dire que ce n'est pas une chose... Comment dire Pigalle. Il n'y a absolument rien d'érotique. Ben, c'est un grand travailleur, donc il travaille. Pourquoi est-il le président Berlusconi? Parce qu'il travaille énormément. C'est une personne au grand cœur qui nous aide. Il nous donne un coup de main. Le 11 mars 2013, Silvio Berlusconi demande une suspension des audiences pour raison de santé. Il doit être hospitalisé pour subir une intervention aux yeux. Les juges lui imposent une visite médicale, histoire de vérifier ses dires. Un événement inédit se produit alors. En soutien, une centaine de parlementaires de son parti affluent vers le tribunal de Milan. Sur les marches du palais de justice, il commence à entonner l'hymne italien, puis tente de rentrer dans la salle d'audience pour protester contre les magistrats. Les carabiniers doivent intervenir pour tenir fermées les portes de la salle où se tient le procès, qui reste suspendu jusqu'à ce que les parlementaires battent en retraite. Dans cet affrontement, c'est tout le berlusconisme qui s'exprime. Le politique contre la justice. Une partie du pouvoir législatif contre le pouvoir judiciaire. Après 2 ans d'instruction, le 24 juin 2013, la sentence tombe. Le cavaliere est condamné en première instance à 7 ans de prison pour incitation à la prostitution de mineurs et pour concussion. Cette peine est assortie d'une interdiction à vie d'exercer un mandat public. Le 19 juillet 2013 est annoncé le verdict d'un procès parallèle appelé Ruby Bis, qui lui juge les responsabilités de certains membres de l'entourage de Berlusconi. Nicole Minetti écope, par exemple, de 3 ans de prison. Berlusconi fait appel. Et cette fois, les juges lui laissent le bénéfice du doute. Ses rabatteurs le savaient, mais après tout, peut-être lui ne savait-il pas que Ruby était mineur à aller savoir. L'accusation de concussion saute aussi, grâce à une récente réforme providentielle. Désormais, pour être répréhensible, la concussion doit s'accompagner de violence ou d'intimidation ou de la promesse d'une rétribution. Or, Silvio Berlusconi s'est montré des plus affables avec le chef de cabinet de la police de Milan et ne lui a rien proposé en échange de la libération de Ruby. En 2014, il est acquitté par la cour d'appel. Une victoire judiciaire pour Silvio Berlusconi et ses partisans à l'image de cette femme venue le féliciter jusqu'à sa voiture. L'ex-président du Conseil italien a été acquitté en appel à Milan d'une première condamnation à 7 ans de prison pour prostitution de mineurs et abus de pouvoir dans l'affaire Ruby Gate. C'est un arrêt qui va au-delà de nos attentes les plus optimistes, a réagi l'un de ses avocats. Sur l'abus de pouvoir, les magistrats ont estimé qu'il n'y avait pas de délit, faute de preuves. Berlusconi était accusé d'avoir obtenu la libération de la jeune femme quand elle fut détenue dans un commissariat de police pour des accusations de vol. Sur la prostitution, les juges ont souligné que les faits reprochés ne constituaient pas un délit. Selon l'avocat d'Il Cavaliere, la justice aurait entendu la défense de Silvio Berlusconi, qui a toujours affirmé ignorer l'âge de Karima El Maghroub, dite Ruby, âgée de 17 ans au moment des faits. L'acquittement est confirmé l'année suivante en cassation. Mais ça sent la fin pour Berlusconi, qui n'est plus président du Conseil depuis 2011. Son image est sérieusement écornée. Et son parti, Forza Italia, ne pèse plus qu'à peine 15% dans les intentions de vote. Et ce n'est pas la fin de ses déboires judiciaires. Même s'il vient de purger sa peine d'un an de travaux d'intérêt général pour fraude fiscale, il reste notamment poursuivi pour la corruption d'un sénateur à qui il aurait offert 3 millions d'euros afin qu'il quitte la coalition de gauche à laquelle il appartenait, tout cela pour faire chuter le gouvernement de Romano Prodi en 2008. Mais surtout, la saga Ruby est loin d'être terminée. Parce que les juges sont convaincus qu'au moins une trentaine de témoins appelés à la barre lors des procès Ruby et Ruby Bis ont menti et sous serment. Et que Berlusconi a acheté ses faux témoignages à coups de millions de maisons et de voitures. En tout, les magistrats estiment que l'ex-chef du gouvernement a dépensé plus de 10 millions d'euros pour pousser les protagonistes des soirées Bunga Bunga à distordre les faits. Dont 7 millions d'euros pour la seule Ruby. Pour qu'elle affirme au tribunal qu'elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec lui et qu'il n'avait aucune idée de son âge. Plus 800 000 euros en liquide entre 2014 et 2015. Et 2 autres millions qui prennent le chemin de Dubaï, où Ruby ouvre des comptes courants, entre autres. Les avocats des Cavaliers continuent de soutenir que ces largesses n'ont rien à voir avec une quelconque corruption de témoins. Il est comme ça, Silvio. Généreux, il a payé les témoins du procès, certes, mais aussi tellement d'autres personnes, dans le cadre général de sa générosité, disent-ils. Mais ça, ce sera la justice de statuer. Le procès Ruby terre, troisième et dernier volet judiciaire du Rubygate, s'ouvre ainsi en 2016. En marge des audiences, une voix discordante se fait entendre, celle d'une ancienne mannequin marocaine. Elle s'appelle Imane Fadil. Depuis les procès Ruby et Ruby Bis, dans lesquels elle était respectivement témoin et partie civile, elle raconte une version bien plus crue des soirées privées de Berlusconi. En janvier 2019, alors qu'elle est cette fois exclue des débats en tant que partie civile, elle assure qu'elle n'a cessé de résister à des tentatives de corruption. J'ai commencé tout ça quand j'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34. 9 années, je n'ai pas varié. J'ai toujours dit la vérité, contrairement aux autres. J'ai repoussé de très nombreuses tentatives de corruption parce que j'ai mes raisons. De la part de qui ? De la part de Monsieur Silvio Berlusconi et de tout son entourage. Vous êtes convaincu d'avoir payé pour avoir dit la vérité sur ce qui se passait à Arcore ? Oui, absolument, absolument. Mais je dirais que nous avons payé plus. Peut-être encore plus que les autres. Et ça parce qu'à la fin, les autres, elles ont voulu soutenir ce monsieur. Elles ont accepté de se laisser corrompre. Elles ont voulu... Chacun fait ses choix. Et vous êtes différente. Mais bien sûr que oui. Et tu peux le dire haut et fort. À propos, je vais publier un livre. Et qu'est-ce qu'il y aura dans ce livre ? Et il y aura quoi ? Ah, bonne question. Le jour venu, tout le monde le saura. Mais aucun livre ne sort et ne sortira jamais. 15 jours après cette interview, Imane Fadil est admise dans un hôpital milanais pour des douleurs à l'estomac. Elle meurt après un mois d'agonie, sans que les médecins ne puissent jamais poser un diagnostic. Agonie durant laquelle elle aurait confié sa crainte à son frère et à son avocat d'avoir été empoisonnée. Alors, aurait-on cherché à se débarrasser d'un témoin gênant pour le Cavaliere ? L'hypothèse est assez crédible pour que le 15 mars 2019, la justice ouvre une enquête pour homicide. à l'issue de plusieurs mois de travail, les experts médico-légaux rendent leur conclusion mort naturelle. L'ancienne mannequin serait décédée d'une maladie rare et fulgurante de la moelle osseuse. Silvio Berlusconi, lui, nie l'avoir même jamais croisé. C'est toujours triste quand une jeune personne meurt. Je n'ai jamais rencontré cette personne, je ne lui ai jamais parlé. Je pense que ses propos ont été inventés. Ils sont absurdes. Cette triste affaire s'inscrit dans le cadre d'un complexe et interminable procès rubitaire, cette fois dispatché auprès de trois parquets différents, Milan toujours, mais aussi Rome et Sienne. Les hypothétiques de sous-table ayant été versées dans différentes villes italiennes. Les campagnes électorales, le Covid, puis de nouveaux problèmes de santé de Berlusconi font traîner les audiences en longueur. Berlusconi est souvent plus mal quand il doit aller rendre des comptes à la justice, mais il se porte comme un charme lorsqu'il s'agit de faire de la politique et de briguer la présidence de la République. La justice se poursuit laborieusement, et là encore, les acquittements tombent au compte-gouttes. Les juges du parquet de Bologne, par exemple, en sont bien convaincus. Lorsque le pianiste des soirées Bunga Bunga a dit à la barre n'avoir jamais rien vu de sexuel hardcore et tout au plus quelques poignées de main, disait-il, eh bien il mentait. Faux témoignage donc. Mais aucune preuve d'un lien entre cet énorme bobard et les 474 000 euros reçus de la part du Cavaliere. En somme, le pianiste aurait menti par amitié pour Silvio Berlusconi, pas parce qu'il était acheté. Reste le gros morceau, la sentence de Milan. Le parquet réclame une peine de 6 ans de prison pour Berlusconi, accusé des subornations de 24 témoins. Mais le 14 février 2023, les juges milanais ne retiennent pas les faits. Champagne dans les rangs de Forza Italia. Presque 13 ans après l'explosion du scandale, le dossier de Rubygate est définitivement refermé. Et il y en a une qui est particulièrement contente de laisser tout cela derrière elle. C'est évidemment Karima El Marouf, maintenant trentenaire et mère de famille, et qui ne veut plus entendre parler de rugby. Je ne veux plus, d'aucune manière, faire part de ce cirque médiatique qui parle toujours de ces choses en ces termes, de manière agressive. Je n'irai plus pour la simple et bonne raison que j'ai été à ces soirées et j'en ai payé le prix. Les médias m'ont persécuté pendant 13 ans. Au début, quand tout a éclaté, j'ai pensé que ça durerait une semaine ou à peine plus. J'avais 17 ans à ce moment-là. Je ne savais pas à quel point ces personnes étaient importantes. J'étais une jeune fille, une gamine. Aujourd'hui, je vous demande, s'il vous plaît, de m'appeler par mon nom, qui est Karima, et pas Ruby. C'est un personnage inventé, avec la collaboration de tout le monde. Karima El Marouf se dit ravie de la relaxe de Cavaliere. Jamais en 13 ans, elle n'aura lâché son protecteur. Giorgia Meloni, nouvelle présidente du Conseil, est elle aussi très satisfaite de cette issue judiciaire pour l'indéboulonnable Berlusconi, désormais son allié au gouvernement. Une excellente nouvelle, estime-t-elle, pour celui à qui elle adresse ses salutations affectueuses au lendemain de son acquittement. Pourtant, elle n'a pas toujours été aussi tendre avec lui. Fin 2022, la Meloni, comme l'appellent les Italiens, a vent de notes de Berlusconi qui la concernent. Comportement arrogant, offensant, aucune volonté de changement, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas s'entendre, écrit-il. Il aurait dû ajouter quelque chose, tacle-t-elle, c'est que sur moi, le chantage, ça ne marche pas. Le pouvoir a définitivement changé de main en Italie. Reste l'impunité de Berlusconi, malgré les faits accablants. Berlusconi ou le cynisme triomphant. Boum, boum, boum, boum. La grave, abracadabra, bu, bu, bu, bu. Nati con nada, vestiti Prada, abracadabra, bu, bu, bu, bu. Ancora non mi ha chiamato, qualcosa non quadra, brr, brr, brr. Se lo saranno portato, abracadabra, lo fa sparire come una maga, abracadabra, erano pochi, ma una montagna, abracadabra, dice che single, ma è fidanzata, abracadabra, lo faccio sembrare facile, lo so, abracadabra. Non penso a Sara, non penso a Chiara, non penso a Laura. Fiori nel palmo, così mi calmo, non sei sul radar. Sono rimasto lo stesso di quando eri in strada. In più ho soltanto dei soldi e qualche collana. La mia bici si fa le unghie ogni due settimane. Mi odi perché faccio sempre il cazzo che mi pare. Questo sta pieno di euro, sta pieno di pare. Poveri ricchi son tristi, non sanno che fare. I raghi in strada fanno la grana, abracadabra. Nati con nada, vestiti Prada, abracadabra. Ancora non mi ha chiamato, qualcosa non quadra. Se lo saranno portato, abracadabra. Lo fa sparire come una maga, abracadabra. Erano pochi, buona montagna, abracadabra. Dice che è single, ma è fidanzato, abracadabra. Lo faccio sembrare facile, lo so. Abracadabra. Boy, I went nothing, I made it through poverty. Tell me you're proud of me, surfing through poverty. Hottest commodity, she gon' acknowledge me. Abracadabra, she gone with the wind. Abracadabra with three of her friends. Amelia, your Pucci, Italian Milan. Made it look easy, we had it as a bun. I made it look easy, we totally gone. 400,000, for the cheapest car in my garage. I count up a chick, I done mean to fix out a skirt. Out in the fart. Abracadabra, yeah. I'm at the top of the chart, turn it up, never turn down, too turned up as you as you are. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Berlusconi, le Roubiguette, notre invité Éric Joseph. Bonjour. Bonjour. Journaliste correspondant à Rome pour le journal Libération, vous êtes l'auteur de Main à bas sur l'Italie, la résistible ascension de Silvio Berlusconi chez Grasset. Est-ce que le préjudice premier de cette affaire, c'est un préjudice d'image pour l'Italie ? Parce que même dans un régime parlementaire, il y a une logique d'incarnation, moins caricaturale que chez nous, mais tout de même, un homme ou une femme représente le pays. Est-ce que le préjudice principal n'est pas là, finalement ? Oui, sans doute, Silvio Berlusconi, les affaires du Rubygate ont effectivement affecté l'image de Silvio Berlusconi, tant dans le pays qu'à l'étranger. Alors dans le pays, c'est un peu particulier parce que les Italiens s'étaient habitués à ce personnage un peu fantasque, qui aime la vie, qui aime les plaisirs de la vie et qui aime s'entourer de jolies femmes, de faire des blagues parfois graves. Donc ça faisait partie du personnage. Ce qui change véritablement avec le Rubygate, c'est que ça intervient à un moment où l'Italie est en pleine crise. C'est après la crise de 2008. L'Italie est dans une situation économique extrêmement difficile. Et on a l'image d'un Berlusconi qui, au lieu de s'occuper du pays, au lieu d'être l'entrepreneur du pays, comme il avait promis de l'être, d'être le modernisateur de l'Italie, eh bien on a l'impression qu'il passe ses soirées en compagnie de jeunes filles, pour ne pas dire de jeunes gourgandines, et que en gros il se désintéresse un petit peu de l'Italie, et ça conduira en 2011 justement à une crise, et notamment à une crise avec l'Europe et au départ de Silvio Berlusconi. Donc cette conjonction de situations, c'est d'abord effectivement des filles très jeunes, ce qui va déjà dès 2009 entraîner sa séparation avec son épouse Véronique Alario, parce qu'il fréquente cette jeune napolitaine Noémie Laetitia, comme vous l'avez rappelé. Et puis, en 2010, effectivement, ces affaires du Bunga Bunga, le terme Bunga Bunga d'ailleurs deviendra célèbre dans le monde entier. Donc effectivement, c'est un dommage en termes d'image pour Berlusconi, mais aussi pour toute l'Italie. Oui, parce que pour Berlusconi, après tout, il récolte ce qu'il a semé. Mais pour l'Italie. D'ailleurs, comment les médias italiens ont-ils traité le Rubygate tout au long de ces années ? Il y a deux types de médias en quelque sorte. Alors d'abord il y a les médias de Berlusconi. Il faut se rappeler toujours que Silvio Berlusconi, c'est aussi un entrepreneur des médias, donc il a les trois chaînes privées du pays. À l'époque il avait le grand quotidien conservateur Il Giornale, et il a la principale maison d'édition Mondadori, et donc évidemment la presse Berlusconi, la presse de droite, a cherché à minimiser, a cherché à stigmatiser stigmatiser l'opposition en disant que c'était l'opposition qui cherchait à instrumentaliser l'affaire et qu'il y avait même de la jalousie contre Berlusconi. Et puis il y a le reste de la presse italienne, qui effectivement a donné une grande importance à cette affaire et notamment, je disais, que c'est cette affaire qui fait suite à l'affaire Noémie Letizia, où déjà le Repubblica, le grand quotidien de centre-gauche, le quotidien progressiste, qui pendant des semaines et des semaines, tous les jours posait 10 questions à Silvio Berlusconi et qui terminait ces 10 questions en lui demandant quel est votre état de santé. Et donc ça avait notamment porté ces attaques et à une défiance par rapport à Silvio Berlusconi, et ça avait conduit aussi à Véronique Alario donc à divorcer en disant que elle ne pouvait pas rester avec un époux qui fréquentait des mineurs. Et donc ça a été extrêmement suivi le Rubygate durant ces années-là. Par contre, par la suite, lorsque Berlusconi quitte le pouvoir, d'abord en 2011 et puis surtout en 2013, quand il est condamné, il est déchu de son mandat de sénateur. Et là, la presse italienne, en quelque sorte, s'est totalement désintéressée de l'affaire. Et même, par exemple, le Rubiter, le troisième procès Ruby, qui s'est conclu il y a quelques semaines, pratiquement il n'y a pas eu d'écho dans la presse italienne. Donc on a en quelque sorte un peu oublié cette affaire qui a empoisonné et qui a été au centre de l'actualité politique italienne pendant 2 ans et qui ensuite s'est effacé peu à peu en même temps que Silvio Berlusconi, même s'il reste encore très présent dans les coulisses du pouvoir italien. Berlusconi a été acquitté dans ce procès comme dans presque tous les procès qui ont été menés contre lui, à l'exception donc d'une condamnation pour fraude fiscale. Bon, ça semble assez incroyable. Comment l'expliquer ? Oui, ça c'est une vaste question sur les rapports entre la justice et la politique en Italie. Alors c'est sûr, c'est vrai qu'il y a eu une attention particulière de la part de la magistrature envers Berlusconi, notamment parce que Berlusconi cherchait à réduire, à couper les ailes à la justice, et donc les procureurs se sont en particulier intéressés à lui. On calcule qu'il a eu affaire environ à 36 procès. Mais c'est vrai que il n'a été condamné qu'une seule fois. À 4 ans de prison, condamné définitivement pour fraude fiscale. Pour le reste, il faut dire aussi que très souvent, pas toujours, mais très souvent, Silvio Berlusconi s'est tiré des griffes de la justice un peu on peut dire de deux manières. D'une part, en faisant traîner les procès et en allant jusqu'à la prescription, il avait évidemment d'excellents avocats qui trouvaient des astuces juridiques, des arguties pour justement éviter les condamnations. On l'a vu notamment dans le procès Ruby, par exemple, il a avancé le fait que peut-être que Silvio Berlusconi pouvait ne pas savoir que Ruby était mineur. Et puis aussi, quand il était au pouvoir, au cours de toutes ces années, il arrive au pouvoir la première fois en 94, alors il n'y a pas été de manière de continue, mais au cours de ces années, il a fait passer des lois, qu'on appelle les lois ad personam, des lois pour éviter justement les procès. Et donc avec ces deux moyens, il a réussi en quelque sorte à passer pratiquement complètement à travers les mailles du filet de la justice. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, en gros. On va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Séverin, Nouveau Dinosaure. Qui rêve encore de l'Amérique, ce shopping mall pas démocratique, tout est si différent maintenant, mais qui peut encore rêver tout court, quand tout est flippant aux alentours, tout est si différent maintenant. Attendant bien patiemment la fin du monde, quelle liberté d'être condamné après ces années de culpabilité, agissons enfin sans conséquence, salut patron, on se verra en vacances, différent maintenant. En attendant, bien patiemment, la fin du monde, la fin de nous. C'est nous les nouveaux dinosaures. On finira au musée dans un décor. Et sur la pancarte en gros caractère, homme en terrasse buvant un verre, et qui attend bien patiemment la fin de son ère. Sensible sur France Inter. Éric Joseph, nous parlons donc aujourd'hui de Berlusconi et des affaires autour de lui, en particulier du Ruby Gate. Alors aujourd'hui, il a 86 ans, Berlusconi, atteint d'une leucémie, il est toujours sénateur et son parti Forza Italia fait partie de la coalition au pouvoir menée par Giorgia Meloni. Bon, est-il toujours et pour autant un homme politique de premier plan ? Non, à 86 ans, c'est plus un homme politique de premier plan, dans le sens où eh bien il est réduit dans ses activités, notamment là en ce moment, il est toujours à l'hôpital Saint-Raphaël de Milan pour des problèmes de santé, et donc évidemment, il n'est plus c'est plus le cavalier et l'homme de premier plan qui a occupé la scène politique pendant près de 30 ans. Mais il faut encore compter sur lui malgré tout, je le disais, il est quand même dans les coulisses et je dirais pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand même Forza Italia, son parti, c'est encore 6-8% dans les intentions de vote. Alors c'est pas énorme, mais malgré tout ces voix sont déterminantes pour la coalition, pour maintenir la coalition au Parlement. Sans les voix de Forza Italia, pour l'instant Giorgia Meloni n'aurait pas la majorité au Parlement. Le deuxième aspect, c'est que malgré tout, Berlusconi a quand même une légitimité. C'est l'homme politique qui justement a permis, notamment à la Ligue et à Fratelli d'Italia, à l'extrême droite, d'arriver au pouvoir. C'est lui qui les a sortis en quelque sorte de la marginalité politique, notamment pour l'extrême droite. Giorgia Meloni, quand elle a eu son expérience gouvernementale avant d'être Premier ministre, c'est d'être ministre dans le gouvernement de Silvio Berlusconi, ministre de la jeunesse, et donc elle a une dette en quelque sorte, une dette politique par rapport à Berlusconi. Et puis le troisième élément, c'est que Silvio Berlusconi, bien ça reste une puissance économique et une puissance médiatique. Il continue à posséder les trois chaînes privées du pays. Il a la principale régie publicitaire. Il a le principal groupe éditorial, Mondadori. Il a l'un des principaux réseaux et de production de films. Et donc, il a un pouvoir économique et médiatique encore très fort en Italie. Et donc, quand vous voulez faire de la politique, notamment dans la coalition de droite, si vous voulez faire la politique à droite en Italie, eh bien, il est difficile de ne pas parler avec Silvio Berlusconi, même s'il a aujourd'hui 86 ans. Finalement, qu'est-ce que cette affaire du Ruby Gate et son issue nous dit du berlusconisme ? C'est quoi le berlusconisme, au bout du compte ? Parce que il y a des affaires, il y a un comportement, il y a une vraie vulgarité, il y a une jovialité aussi, mais enfin, il y a une action politique. C'est quoi le berlusconisme ? C'est une forme de populisme dans le sens où c'est la difficulté d'accepter des contre-pouvoirs. Quand on a gagné les élections, on estime qu'on peut appeler l'inspecteur de police pour lui dire de relâcher Ruby. On considère que l'opposition a pas de questions à poser, que la presse a pas à s'intéresser à ça. Silvio Berlusconi, c'est au départ un patron d'un empire où c'est le chef tout puissant, où il a pas d'adversaire, il n'a pas de contre-pouvoir. Et quand il arrive au pouvoir, quand il arrive en politique, eh bien, quand il arrive au gouvernement, eh bien, il applique la même méthode. Il ne veut pas avoir de. Il a des difficultés à accepter les contre-pouvoirs, l'équilibre politique. Il est allergique à ces contre-pouvoirs, aux règles, et donc, que ce soit la magistrature, que ce soit l'opposition, etc. Et en quelque sorte, l'affaire du Rubygate nous raconte ça, nous raconte un homme qui a la sensation qu'il a, à partir du moment où il a la légitimité du vote, il n'a pas de compte à rendre aux autres pouvoirs politiques, aux autres pouvoirs du pays. Mais d'un point de vue du bilan de ces trois passages au gouvernement sur le terrain économique ou social, comment il considérait son bilan? Parce que quand même, il est resté plusieurs années au pouvoir. Alors, il est arrivé trois fois au pouvoir, en 94, puis en 2001, puis de nouveau en 2008. Il a quitté le pouvoir en 2011. On peut dire qu'il n'a pas laissé un héritage. Il n'y a pas véritablement de réformes qui ont marqué, il n'a pas laissé une empreinte. Il est difficile d'imaginer une réforme qui serait véritablement liée à celle, au nom de Berlusconi. Il a laissé une méthode politique. Il a laissé quelque chose qui est la personnalisation et la médiatisation de la politique. On peut dire que même il a anticipé Donald Trump, par exemple. Oui. Et donc ça, effectivement, il laisse l'héritage plus d'une méthode politique, d'une nouvelle forme de politique, cette personnalisation et la médiatisation. Il laisse aussi l'héritage d'avoir banalisé l'extrême droite. C'est lui qui a fait rentrer l'extrême droite au pouvoir et qui a repris parfois certains de ses slogans et qui a utilisé justement comme ça un langage populiste. Et puis je crois moi personnellement que l'héritage de Silvio Berlusconi, parce qu'il personnellement il n'a pas d'héritier politique, il a toujours évité d'avoir des héritiers politiques, il les a toujours dès qu'il y avait une tête qui dépassait au sein de Forza Italia ou du parti de la liberté, Parti des Libertés, il a fait en sorte de détruire ses potentiels héritiers. Donc Silvio Berlusconi n'a pas d'héritier, et je pense que les historiens, c'est le travail des historiens, mais je pense que ce que les historiens retiendront sans doute, c'est qu'il a en quelque sorte empêché l'Italie pendant 20 ans de prendre en compte les changements du monde. En quelque sorte, il a pas préparé l'Italie au changement du monde. Et ce sera le mot de la fin, Éric Joseph. Merci infiniment, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Ruby en Italie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Colin.